je regarde les autres. Pourtant, je ne leur trouve rien. C'est comme ça. Voilà, je vais avec les autres. Le temps passe plus mal que bien. C'est comme ça. Et toi, que fais-tu? Es-tu content de tout? Je suis là devant toi, toujours la même. Oh, pourquoi est-ce encore toi que j'aime, que j'aime, que j'aime? Va retrouver cet autre. Tu l'aimes ou c'est ce que tu crois? C'est comme ça.